Et c'est des tapes qui font les shows. Enfin du Nord, rue comme Jon Snow. Enfoiré, je peux pas t'épargner. 3 points suite dans le panier. On mange le riz sans la cuillère. Une grosse rafale pour t'accueillir. Mais c'est qu'un floco qui fait gravir. Tes biches cassent ta serrure. Qu'est-ce qu'un rêve lance en moto? Je crois que c'est bon, maintenant c'est mon tour. Je tous les choqués, donc ils ont les chocottes. J'allume un pétou qui tabasse. Y'a que les billets qu'on ramasse. Aucun souci si tu ralasses. Tu t'es fait douiller, tu dois l'allumer. Tu l'as allumé, mais tu l'as raté. Tout pour la monnaie, tout pour le rinter. Deviens parano, fais pas comme si t'avais le ballon. T'envoies les ballons, t'es tout lent. Tu sens que ça glisse là. Pas besoin de parler. Big up à toi si t'es au car plat. Et qui fait ta peine sur un pied. Papier, c'est la devise. Et ça divise si t'es pas fort. En vrai, j'ai connu pire. Dans nos quartiers, on se dévore. Ça va trop vite, mais c'est la vie. On a choisi, je suis en Gucci, je veux le père net. Et moi j'ai grandi sur mon paternel. Je suis Zébec, toi t'es père net. Je suis Tony, toi t'es Mani. Je peux te buter si tu me trahis. Bif bif, on est rapide. Tu t'es fait douiller, tu dois l'allumer. Tu l'as allumé, mais tu l'as raté. Donc il est revenu, encore plus armé. Trop déterminé, comme un temps c'est la reggae. Pour le rock t'es le point de vente. Pour le rock t'es le point de vente. Qui va porter ses coronesses? Qui va porter ses coronesses? Pas de blue négro, j'ai le AK qui fait boum négro. Moi je veux pas crever dans la zone négro. T'es démon rock mais t'es qu'un faux négro. Bad creeps, bad blue négro. J'ai le AK qui fait boum négro. Moi je veux pas crever dans la zone négro. T'es démon rock mais t'es qu'un faux négro. Pas de panique, le terrain ouvre à midi. On voit des mandats, ça dit quoi là dans la nozo. J'ai beaucoup de problèmes, plus de monnaie. Mais tu connais, le Jackie c'est mon remède. Mon cœur qui fait vous me fait des ravages quand j'arrose. Pas le temps de me reposer dans le trafic comme mon cousin. Le cœur est sous le coussin au cas où si tu viens toquer. La cam est très bien coupée, on t'arroche que si t'es rigolo. J'mets l'argent de Teco parce que bientôt il faut t'écale. Dans ton bendo c'est éteint. Capitaine arrive en Gucci, Louis V c'est comme ça. Pull up comme à Compton, speed fumé Kingston. On fait du rap, tu bises c'est l'argent quand le tel sonne. Yeah shit, tu payes pas, on te shoot. Flang en bas, j'suis partant. Tu baisses dans mon estime. Si tu crois que j'ai changé depuis que j'fais des millions de streams. Bad trips, bad blue, négro. J'ai le AK qui fait boum, négro. Moi j'veux pas crever dans la zone, négro. T'étais mon rock, mais t'es qu'un faux, négro. Bad trips, bad blue, négro. J'ai le AK qui fait boum, négro. Moi j'veux pas crever dans la zone, négro. T'étais mon rock, mais t'es qu'un faux, négro.